située à une centaine de kilomètres au sud de Paris. Le département a été créé à la Révolution française le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d'une partie de la province de l'Orléanais. Il tire directement son nom de la rivière Loiret, résurgence de la Loire, qui flâne sur 12 km environ avant de la rejoindre. Ce phénomène est d'ailleurs à l'origine du nom d'un récent mais célèbre quartier d'Orléans, nommé Orléans-la-Source. La Loire traverse le département du sud-est vers l'ouest. Le débit de la Loire, aux environs d'Orléans, est essentiellement souterrain, provoquant parfois des effondrements circulaires du lit, l'abîme. Les bancs de sable y sont instables, ce qui explique partiellement la relative mauvaise réputation du fleuve dans ce secteur. La Loire arrose les villes de Briare, Gien, Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, l'agglomération Orléans-Val-de-Loire, Main-sur-Loire, Beaugency. Le Loiret donne son nom au département. Résurgence de la Loire, le Loiret ne fait que 12 km de long. Il rejaillit dans le parc floral d'Orléans, dans le quartier de la Source. La région entre Loire et Loiret est classée zone inondable, même si la dernière crue remonte à plus de 100 ans. Le Loiret est un département plat d'une altitude voisine de 100 mètres, situé dans la moitié sud du bassin parisien. L'altitude maximale est de 273 mètres et la minimale de 66 mètres. Il est limitrophe des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Yonne, de la Nièvre, du Cher, de Loire-et-Cher et d'Eure-et-Loire. Il s'agit essentiellement d'un climat tempéré. Les habitants du Loiret sont les Loiretains et Loiretaines. Ils étaient 286 000 en 1801 et sont désormais 645 000 au dernier recensement.